Au sommaire de ça et du belge numéro 25, la deuxième partie du bilan de l'année 2018. Au menu, 10 films sortis dans les salles belges entre juillet et décembre, plus un film Netflix, plus un film luxembourgeois. En juillet, il y a eu Vent du Nord de Walid Matar, un premier long métrage déroulant entre le nord de la France et la Tunisie. Deux histoires sont collées, peu de choses les rapprochent, sinon une usine qu'on délocalise, un train de banlieue et un bus de tourisme circulant sur deux voies parallèles durant quelques secondes, ainsi qu'un feu d'artifice. C'est la faiblesse du film. Dommage, car il y avait sans doute quelque chose à tirer du parallèle entre la situation française et tunisienne, les conséquences d'une délocalisation. Passons directement à septembre, puisqu'il n'y a pas eu de sortie d'un film belge en août, donc au début de l'automne, on commence avec Du cyclisme et Un ange de Koen Mortier. Le long métrage est librement inspiré du roman Monologue d'une personne habituée à se parler à elle-même de Dimitri Verhulst et aussi de la vie tumultueuse de Frank Vandenbroek, champion cycliste décédé en 2009. Sautant fiévreusement entre passé et présent, voguant entre fantasme et réalité, Un ange n'est pas une histoire d'amour conventionnelle. Son film capture à la fois la passion intense et l'instabilité de l'esprit volatile du coureur. Toujours en septembre, c'est La femme la plus assassinée du monde de Franck Ribière, premier film belge à être visible sur Netflix. J'ai eu la chance de, si l'on peut dire, de le voir sur grand écran, lors du BIF. J'ai abandonné après une quarantaine de minutes, vu la lenteur exaspérante. En septembre, nous avons Gutland de Govinda Van Mal, film luxembourgeois. Un mélange de genres, thriller, étude de mœurs et fantastique. Le tout bien mixé et permettant au spectateur de trouver son bonheur. Et il y a aussi les images que le réalisateur et son caméraman, également son frère Narayan Van Mal, nous proposent pour capturer les prairies, les champs de maïs et les bosquets. Il y a comme un côté idyllique, mais de sombres secrets sont cachés par les villageois et un étranger va déranger ce bel ordonnancement. Octobre est un beau mois pour les films belges. Girl est clairement le meilleur film belge de 2018. Il a remporté de nombreux prix et s'est largement mérité. L'histoire de ce garçon voulant devenir danseuse étoile est à la fois belle, douloureuse, bouleversante, impressionnante. L'acteur principal Victor Polster est formidable, en espérant qu'il puisse dépasser ce succès pour nous offrir d'autres belles prestations. C'est la même chose pour le réalisateur Lucas Donne, à l'aube d'une belle carrière, puisse-t-il réaliser d'aussi beaux films que Girl. Deuxième bon film d'octobre, Nos batailles de Guillaume Sénèze. Le point fort du film, c'est la réussite du casting. Chacun joue bien sa partition. Romain Duris est dans un de ses meilleurs rôles. Je trouve qu'il mûrit bien et ce rôle de père abandonné par la mère de ses enfants, coincé par ses responsabilités au boulot, lui sied parfaitement. Lucie Debay montre de film en film qu'elle a un grand talent, qu'elle sait varier son jeu. Il y a également Laure Calamy et Laetitia Doge. Nous sommes toujours en octobre avec Ne tirez pas, Nitzkitten en flamand, un film de Stijn Konings. Une nouvelle fois, le cinéma flamand parle de sujets qui fâchent, de sujets faisant polémique en Belgique. Ici, les tueries du Brabant. C'est tant mieux parce qu'on a besoin de savoir, même imparfaitement. J'ose espérer qu'à un moment, les francophones feront la même chose. Le film est bouleversant, j'ai eu plusieurs fois la larme à l'œil, édifiant et démontrant l'incapacité de la justice belge à faire éclater la vérité. Novembre est le mois de Mitra de Jorge León, un documentaire que j'ai beaucoup apprécié, parce que le réalisateur raconte la folie du côté des fous. Et la définition du fou est pour chacun une définition personnelle. C'est aussi une belle mise en scène, donnant envie de voir ce qui nous attend plus loin, avec des témoignages très authentiques. Quant à Beautiful Boy de Felix van Groningen, le premier film américain du réalisateur de La merditude des choses et de Alabama Monroe, je suis très circonspect. La relation père-fils me paraît peu crédible. Pour tout dire, je n'y crois pas. enfin en décembre pour vivre heureux de Dimitri Linder et Salima Sarah Glamin, nous d'en avoir un beau premier film. Un film qui propose un drame familial et amoureux dans la communauté pakistanaise. Pas du tout du genre plombant, misérabiliste ou donneur de leçons. Je termine ce bilan 2018 avec un moyen métrage, ce magnifique gâteau de Emma De Soif et Mark James Rawls, un film en stop motion avec des figurines au visage de feu, des décors alliant coton et tissu. Entre humour décalé et vision réaliste d'une période bien noire, le film a été remarqué dans plusieurs festivals. Sur ce, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et je vous retrouve pour Ça et du Belge en 2019.